Un mal, chapitre 16. Il se mit à rôder dans la forêt. La tente glissait sous sa peau, des lancinements d'aiguilles. Ils allaient être seuls cette fois. Par moments, il se couchait de son long à terre, avec des impatiences terribles, bâillant et tordant ses poignets. Et d'autres fois, il marchait à grands pas devant lui. Toute la nuit s'était passée à la désirer. Il était resté au village jusqu'à la ronde du garde-champêtre, traînant dans les cabarets et s'étourdissant avec de la bière. Les cabarets fermés, il avait gagné les champs. La lune bleue fraîchement ondoyait la campagne brûlée par la chaleur du jour. Mais l'apaisement universel ne l'avait pas calmé. Il emportait avec lui la sensation de cette peau chaude de Germaine maniée dans le petit sentier qui monte. Un peu de l'odeur de ses cheveux était restée à la manche de sa veste, et il s'en grisait à pleine narine, jusqu'à en défaillir. C'était bien la peine de s'être moqué des filles jusqu'alors. Maintenant, il était pris, bien pris. Il en ressentait une colère, comme une déchéance. L'amour intraitable des bêtes lui enfiévrait le sang comme un mal répandu par tout son corps. Il gémissait, enfonçait ses ongles dans sa chair pour en étouffer les révoltes. Et des cris rauques de douleur et de désir lui sortaient d'entre les dents. « Germaine, Germaine !» grondait-il. Ses bras battaient l'air, se tendaient dans la nuit pour la saisir. Il frappait les arbres de ses poings. À pointe d'aube, il était entré en forêt. Le premier soleil avait éclairé ce visage ravagé dans la pâleur des ombres décroissantes. Comme un petit vent léger passé, secouant le matin dans les arbres, il s'était laissé tomber sur le ventre et la tête dans l'herbe avait mordu la terre en pleurant. Puis, une mollesse l'avait rendu plus faible qu'un enfant. Il avait fermé les yeux. Autour de lui, le jour montait. Il dormit jusqu'à midi. C'était donc vrai qu'elle allait venir, qu'elle lui avait donné rendez-vous. Il se répétait tout haut ces mots d'elle. « Tu m'attendras sur le chemin. » Et il l'attendait, allant et venant, comme un loup devant la bergerie, l'air féroce et doux. La Cougnole habitait une masure sur la route qui traversait le bois de Chéneau. 6 hectares de terre environ avaient été gagnés en cet endroit pour la culture. Une ferme les exploitait. Elle était occupée par le fermier Brichard, qui avait avec lui sa femme et ses 2 garçons, et faisait un peu aussi le commerce des billettes. 3 maisons de paysans, parmi lesquelles 2 cabarets côte à côte, étaient situées plus loin. Puis venait la masure de Cougnole, avec son toit de chaume en surplomb qui, à l'arrière, avait fléchi lors d'un ouragan. Un très petit jardin s'étendait en carré entre les haies sèches au dos de la maison. Le bois continuait ensuite. À tout instant, Cachaprès sortait des taillis et, planté au milieu de la route, regardait, la main en visière sur les yeux. Le pavé s'allongeait entre les files des grands arbres, dans une pleine solitude. Pas une tache noire ne signalait un passant au loin. Il lui semblait que les 2 heures étaient écoulées depuis longtemps. Il eut un moment d'inquiétude fiévreuse. Si elle allait ne pas venir, si elle s'était moquée de lui, il serra ses poings, le cœur crispé, et tout à coup eut un haut-le-corps. Germaine, là-bas, débouchée sur le pavé. Il se rejeta dans le bois et se mit à courir à travers les taillis. Puis il réfléchit, et sur le point de l'atteindre, il marcha très doucement, ses mains dans ses poches, en sifflant d'un air bonasse. Elle avait au bras un panier contenant du pain, un quartier de jambon et des pommes de terre. Elle était très rouge. Elle lui expliqua qu'elle s'était pressée, puis s'interrompit, embarrassée, et de nouveau, avec un flux de paroles, continua à parler, lui raconta l'histoire de la Cougnole. Son mari était mort il y a 2 ans. Il avait fait la moisson à la ferme 3 étés, C'était un homme un peu simple et qui passait pour n'avoir pas grand-chose à dire chez lui. La Cougnole n'était pas une méchante créature du reste, mais elle avait fait tout de même des métiers drôles. Et elle souriait en le regardant du coin de l'œil. Il hochait la tête pour dire oui, machinalement, pensant à autre chose. Elle reprit. « Après tout, ce n'est pas notre affaire. Elle a fait ce qu'elle a fait. Ce n'est pas une raison pour la laisser sans rien, la pauvre femme. Et comme ça, quand elle n'a pas son mal, elle vient à la ferme, on lui donne. Et quand elle a son mal, c'est facile à voir. Elle vient pas. Et alors, c'est moi qui viens. » Il ne répondit pas. Ce silence la troubla extraordinairement. Elle voulut parler encore, pour parler et n'avoir pas l'air de remarquer sa préoccupation. Mais elle s'embrouillait dans ses paroles, et elle finit par répéter plusieurs fois la même chose, à savoir qu'il ne fallait pas dédaigner les vieilles gens. Ils approchèrent de la masure. « Attends-moi ici, » dit-elle, « le temps de vider mon panier. » Elle allongea le pas, le laissant debout sur la route. Il la vit pousser la porte. Presque aussitôt, un grand corps de femme lui fit signe d'approcher du seuil. Mais comme il n'en était pas sûr, il demeurait à la regarder sans bouger. La femme alors se campa sur la route, et nettement cette fois, d'un grand mouvement de bras, l'appela. « Tiens, tiens, » se dit-il, « c'est la Cougnole qui m'appelle. Elle me veut du bien, peut-être. » Et se rappelant les différents métiers de la vieille, il eut vaguement la pensée qu'elle pourrait servir à leurs amours. Il répondit à l'appel en secouant son chapeau dans l'air. Et, à petits pas, tranquillement, il arriva à l'habitation. « C'est toi qui es avec Germaine ? » dit-elle. « Pourquoi tu n'entres pas ? C'est sa maison à elle, donc, et à tous ceux pour qui elle a de l'amitié. » Elle louchait, leur faisait des clins d'yeux de dessous sa sandrinette vissée à la tête et qui laissait échapper des bourrées de cheveux gris. Sa longue échine sèche de fouine s'agitait sous des vêtements rapiécés, très propres. Elle avait la peau coriace et jaune des femmes vivant dans les bois, et ses grands gestes brusques, en s'ouvrant, la cassaient en deux. Le visage du gars parut lui rappeler quelqu'un. Elle le regardait curieusement. « Je t'ai vu, sûr comme t'es là, mais pour dire quand, à où ?» Brusquement, elle frappa ses cuisses du plat de la main et s'écria qu'elle le reconnaîtrait entre mille, qu'il était cachapré, qu'on le lui avait montré un jour dans un village, et elle citait l'enseigne d'un cabaret où elle se trouvait à boire avec des femmes quand il avait passé. Il se souvenait du cabaret, oui, il avait de ses côtés un bon camarade, et il souriait. La vieille finit par dire qu'elle n'avait jamais vu de garçon ni plus beau ni plus brave, ajoutant « T'as là un fier homme, Germaine !» Le panier avait été posé sur la table. Germaine en tira successivement le jambon, le pain et les pommes de terre. À chaque fois, la vieille poussait des exclamations, claquait des mains, prenait des airs de bénisseuse. « Béni bon Dieu, t'as pensé à tout, fille ! Que la Sainte Vierge Marie te récompense dans ce monde et dans l'autre, la Cougnole ne mourra encore pas de faim cette fois. « Fille de Dieu, j'irai à la chapelle avant qu'il soit soir, bien sûr, et je dirai une bonne prière au sein du paradis pour ton salut. Ce qu'elle n'a même pas oublié les Canadas, Vierge Marie. Il n'y a plus qu'une petite robe là, une petite robe qu'on ne mettrait plus, qui nous ferait ben plaisir à présent. Non, il n'y a plus que ça. Puis j'attendrai mon jour, fille. » En te bénissant comme une bonne et belle fictée. Y a ben un petit peu de Genève aussi, que ça m'aurait fait une petite douceur. J'ai des fois, comme qui dirait, l'estomac qui est tout esclaffé. Ça m'aurait fait une douceur, donc. Béni bon Dieu, que je me dis. Qui est-ce qui penserait à me la donner, cette petite douceur, si c'est pas Germaine? Mais elle peut pas tout savoir non plus, là. Comme quoi, qu'un peu d'argent, là, un petit peu, comme qui dirait, un très petit peu, ferait bien du bien à une pauvre vieille femme comme moi. Son sourire la suivait avec une humilité basse, l'implorant en même temps que sa voix qui traînait, monotone et continue, comme une litanie. Germaine tira de sa poche une pièce blanche, cacha près de son côté, mit la main à son gousset et en tira de la monnaie qu'il jeta sur la table en disant « V'là pour le péqué, la vieille !» Alors elle les combla de ses vœux, leur souhaitant de s'aimer toujours. Puis elle croisa les mains et marmotta une prière, la tête sur le côté et les yeux au ciel, laissant aller ses lèvres sans rien dire, et l'instant d'après, ayant l'air de tirer du fond de sa gorge des paroles ferventes qui s'achevaient dans un large signe de croix. Cela fait, elle leur montra d'un clignement de l'œil la chambre, les chaises, le lit. « Je tirerai la porte quand vous viendrez. Moi, j'irai dans le bois. » Une rougeur enflamma les joues de Germaine. Elle se dressa, méprisante et froide. « Cougnole !» Cachaperet s'éjoyait au contraire devant cette possibilité de se rencontrer dans une masure écartée où personne n'irait les chercher. Et l'air méprisant de Germaine se jetant à travers son idée, il eut un rire en dedans. Mauvais. Elle s'était dirigée vers la porte. Il la suivit. La femme du seuil continuait à les bénir. Ils marchèrent un instant sans se parler. Puis il l'arrêta. « Germaine !»« Quoi ?» Elle ne s'était pas retournée. « Regarde-moi !» Elle se retourna cette fois et le vit montrant d'un hochement de tête la masure de la Cougnole avec un sourire. « Elle est berlue, pour sûr !» Elle eut un plissement d'yeux étrange. Et la réflexion de la vieille lui revenant avec la drôlerie de son geste, elle fut prise d'un rire nerveux, par saccade. Il avait passé son bras autour de sa taille et doucement la tirait dans les taillis. Elle continuait à rire, répétant « Oh, cette Cougnole !» Puis, ses nerfs se calmant, elle pensa qu'après tout, la vieille avait peut-être cédé à une bonté d'âme. On ne sait pas, les vieilles c'est si singulier. Ça a des idées. Et elle reparla du temps où sa mère vivait, où la Cougnole venait à la ferme. On l'appelait quand une vache était sur le point de vêler. Elle connaissait les bêtes. Quelquefois, elle soignait aussi les gens comme garde-malade. Même elle avait aidé sa mère pour son dernier garçon. Et cela la remettant sur le chemin du passé, elle se revit petite fille, esselée dans la maison du garde-maucor. Elle avait grandi au fond d'une ombre froide. Elle n'avait pas été heureuse. Du reste, elle ne l'était pas davantage à présent. Des choses lui manquaient. Elle aurait dû se marier jeune, et elle cita le nom des prétendants qu'elle avait refusés. On est si bête. Un attendrissement la gagnait. Il la serra contre lui, disant de son bon cœur, dans une soudaineté d'émotion, « Vrai, t'es pas heureuse ?» Elle leva les yeux. Tous deux se regardèrent en souriant, et il l'embrassa. Elle se laissa faire. Le sentier filait dans un emmêlement de verdure. Il écartait les branches à mesure. Quand ils avaient passé, elles se rejoignaient avec un bruit de soie froissée, et quelquefois leur cinglait le dos. Des brindilles s'accrochaient aux cheveux de Germaine. Par instant, un morceau de sa robe demeurait pris. Et ils avançaient dans la senteur des terres humides, ayant sur eux le verdissement pâle des feuillets. Entre les arbres, des bouts de ciel faisaient des trous bleus, éclatants. Comme en cet autre jour où Célina et elle avaient gagné à travers le bois la kermesse, elle éprouvait un engourdissement de la pensée et du corps. La tendresse des choses agissait avec traîtrise. Mais surtout, c'était le silence profond du bois qui l'impressionnait. Cela mettait en elle comme une invitation à dormir, à s'abandonner, à vivre de la vie des arbres. Pour la première fois, elle trouvait la nature bonne et le bon Dieu grand. Et elle sentit son cœur monter à ses lèvres dans un cri. « Que c'est doux, vivre !» Le sentier s'élargissait à son extrémité. Une large ondée de soleil les enveloppa, faisant reluire leur peau brune. Et comme une clairière était au bout du sentier, ils y entrèrent en se tenant par la main. Des bouleaux et des hêtres se dressaient, faisant un petit cercle d'ombre mobile sur les herbes claires. Ils s'assirent sous un des hêtres, lui allongé près d'elle, sa tête dans les poings, et la regardant. Elle glissa la main dans ses cheveux. « T'as les cheveux comme de la soie. »« La chair aussi, » répondit-il. En mettant son bras nu, il l'obligea à passer le doigt sur sa peau très lisse. Il releva un peu plus haut sa manche ensuite et lui montra ses énormes biceps en faisant rouler les muscles comme des boulets. Puis, entraîné, il parla de sa force. Une souche d'arbres garnie de sa terre gisait près d'eux. Il la fit mouvoir d'un large coup de rein. Il parla aussi de son agilité et par bravade monta à un arbre, leste comme un écureuil. Il imitait des combats, expliquait comment il s'y prenait pour bousculer 10 hommes à la fois, tapant des pieds, des mains et de la tête. Et, tout en se vantant, il étalait devant elle son torse puissant, avec une satisfaction de colosse. Le soleil mêlait une splendeur à ses gestes immenses. Elle l'admirait, subjuguée. Le sentiment de sa toute-puissance de nouveau l'envahissait. Et elle pensa que vraiment, c'était bien là, l'homme qu'il lui fallait. Alors les arbres virent une sauvagerie. Il arriva sur elle, les bras ouverts, terribles. Un hébétement flottait dans ses yeux. Une dilatation de la bouche et des narines mettait comme une vague extase sur sa face. Elle le sentit venir plus encore qu'elle ne le vit et cria, demi-dressée. Mais déjà, il l'étreignait dans son large embrassement. Le bois faisait sur eux une rumeur profonde et douce.